Section 8, chapitre 20, prophètes et miracles. En redescendant la montagne par les escaliers et les terrasses, nous jetons des regards émerveillés sur le pays et la mer qui lui sert de confins. En face de nous s'étendent les traces de l'antique avenue qui menait au port. C'est au bout de cette chaussée que furent tués, il y a quelques années, deux officiers anglais. Au commencement de l'arrivée des Européens, il y eut plusieurs assassinats commis sur les nouveaux venus. On croit que ces attaques étaient suscitées pour créer des embarras au pouvoir shogunal qui avait ouvert le pays aux étrangers, car on a remarqué qu'après la suppression du shogunat, les massacres d'Européens devinrent beaucoup moins fréquents. Mais ce qui y mit fin complètement, c'est l'interdiction formelle pour les hommes à sabre de porter leurs armes. On peut dire que ce décret du Mikado ferme au Japon l'ère de féodalité inaugurée par Yoritomo, et du même coup il a amené dans tout le pays une sécurité complète pour les voyageurs, même pour les habitants, qui avaient souvent à se plaindre des exigences des samouraïs. La chaussée que nous considérons a été il y a 6 siècles le théâtre d'un miracle célèbre. Parmi les fondateurs nombreux des sectes bouddhiques japonaises, un des plus renommés est Nichiren, qui a établi la secte Okesyu. Ce prêtre fut prophète et thaumaturge. C'est du reste par la force et l'abondance des prophéties et des prodiges que le bouddhisme s'est établi en Chine et au Japon. Or, un jour, ce saint personnage fit une publication dans laquelle il parlait des malheurs qui menaçaient le Japon. Nouveau Jérémie, il constatait que 5 fléaux avaient déjà sévi sur cette terre, ordinairement chérie des dieux. On avait vu dans le ciel des astres étranges et des météores effrayants. Des provinces étaient soulevées et des insurrections avaient éclaté. Les fleuves débordés avaient inondé les campagnes. Les récoltes avaient manqué par suite de l'humidité et la famine s'était déclarée. Enfin, des incendies nombreux avaient éclairé les cités de leurs lueurs sinistres. Le prophète certifiait que ces malheurs étaient la conséquence de l'irreligion du peuple. Il avait bien trouvé une formule de prière qui pouvait tout sauver, mais on ne s'en servait pas. On négligeait le seul moyen de salut que la Providence offrait aux humains. Cette formule était le fameux « Namu Myōho Renge Kyōho ». C'était pourtant bien simple. Il fallait être bien endurci dans le mal, bien aveuglé dans l'incrédulité, pour refuser un mode de sanctification à la portée de tous. Mais on néglige cette formule, on la méprise même, s'écriait Nichiren. Ainsi les malheurs fondent sur le Japon. Je me consacre au Bouddha, à la loi et à l'emblème. La formule veut dire tout cela, et si l'on y prend garde, si on ne l'apprend pas, si on ne la récite pas souvent, à tout moment, de bien plus grands fléaux menacent la contrée. D'abord la sécheresse, et par conséquent une seconde famine. Et puis un malheur encore inconnu du Japon, une invasion étrangère, une invasion mongole, qui plus est, se répandra sur l'archipel sacré. Voilà ce que Nichiren disait dans sa brochure, et il avait raison. Kubilai Khan venait de conquérir la Chine. Il avait envoyé ses flottes victorieuses jusqu'aux Indes, et il se préparait à envahir le Japon avec une armada formidable. Quant à la sécheresse, elle ne tarda pas à sévir. Elle fut épouvantable. Et le régent Tokimune se vit obligé d'ordonner des prières et d'avoir recours aux meilleurs thaumaturges. Il s'adressa d'abord à un fameux prêtre de la secte Shingon qui avait une excellente prière pour demander la pluie. Seulement, il fallait la réciter 21 jours de suite. Il est probable qu'elle eût été encore plus efficace en la récitant 30 ou 40 jours de suite, mais le bonze, Iyo Kanrishi, c'était son nom, se contentait de 21 jours. Si bien qu'après avoir fait pendant 3 semaines sa petite cérémonie, il eut la douleur de voir la sécheresse continuer comme si de rien n'était. On eut alors recours à Nichiren. Celui-ci écrivit d'abord au prêtre Shingon une lettre des plus sarcastiques, dans laquelle il lui rappelait combien avaient été fréquentes dans tous les temps les obtentions de pluie par le moyen de prières, même très courtes, ou de prières faites par des gens de peu d'intelligence ou de peu de sainteté. Et Nichiren s'étonnait. « Vous qui connaissez les 250 interdictions de Shaka, vous ne pouvez pas obtenir la pluie même après 21 jours ?» Satisfait du côté de la littérature et de la charité bouddhique, Nichiren se mit en devoir d'opérer. Il fit construire un belvédère au bout de l'avenue que nous avons sous les yeux, tout au bord de la mer. Quand l'estrade fut terminée, il s'y installa et se mit à lire les 8 livres sacrés. Eh bien, 4 jours après, la pluie tomba. On trouva le fait d'autant plus miraculeux que la sécheresse avait duré plusieurs mois, plus les 21 jours de prière du prêtre Chingon, plus le temps d'écrire des lettres et de construire des belvédères, plus enfin les 4 jours de lecture sacrée. Une sécheresse aussi tenace céder enfin. Namu Myo Ho Ren Ge Kyo. Chapitre 21. Le Dai Butsu. Kamakura possède beaucoup de ces avenues qui mènent à des ruines, ou plutôt qui aboutissent au néant, car les palais et les temples japonais, construits en bois, ne laissent pas de traces une fois brûlés ou renversés. Mais lorsqu'on interroge le sol, on trouve beaucoup de débris antiques, des fragments de bronze, de porcelaine et des pierres précieuses venues de la Chine, ce qui indique que ce port fut souvent visité par les vastes jonques du Céleste Empire. D'ailleurs, dans les temples du voisinage, et particulièrement dans celui de Shōmyūji, de la secte Shingon, il y a de nombreuses porcelaines chinoises. Le village de Kamakura ressemble à tous les villages japonais. Nous nous arrêtons quelques instants devant un fabricant de masques en bois. Comme tous les sculpteurs de ce pays, c'est vraiment un artiste. Il faut pourtant dire que pour ses productions, de même que pour les statues et les peintures, il y a une série de types et de scènes consacrées par le goût et l'usage dont on ne s'écarte guère, si bien qu'on peut arriver à une grande habileté sans avoir fait autre chose que des copies. Je parle pour la généralité, car il se forme une nouvelle école fort originale dont Hokusai a été le chef et avec laquelle nous aurons à compter. Nous avons repris nos voitures et j'entreprends de causer avec mes Jinriki. Ils sont fort gais et cherchent à m'apprendre le japonais. Un de mes hommes est particulièrement gracieux et avenant. Son type aquilin, très délicat, n'a rien de mongolique. Son corps, petit et un peu grêle, est néanmoins vigoureux et harmonieusement musclé. Il paraît fort intelligent et c'est sans contredit le meilleur de mes 2 professeurs de japonais. Il a pour tout vêtement l'étroite et longue pièce d'étoffe blanche que tout japonais passe entre les jambes et rattache autour des reins, fundoshi. Une paire de guêtres, ou plutôt de knémides, en coton bleu, et un chapeau à namite en forme de demi-melon tout blanc. C'est surtout grâce à sa complaisance que je fais de rapides progrès dans la langue de ses pairs. Je sais déjà dire « Konnichiwa »« Bonjour » que je prononce « Comment tu vas ?»« Arigato »« Merci » »« Atsui » »« Chaud » »« Samui » »« Froid » »« Yoroshi » »« Bien » »« All right » et le fameux « Arimas » ainsi que le nom moins fameux Arimasen. Arimas veut dire « il y en a », mais dans les acceptions les plus larges. Ainsi, au lieu de dire « Monsieur Virkman est-il chez lui ?», on dit tout simplement « Monsieur Virkman, Arimas ?» À quoi l'on répond « Arimas, il y en a ». Ou dans le cas où Monsieur Virkman est sorti, « Arimasen, il n'y en a pas ». On m'assure qu'avec ces 2 mots, on peut traverser le Japon sans interprète et se faire comprendre partout bien plus facilement qu'avec le célèbre Onadzi Koto, la même chose, que l'on prononce pour plus de facilité à la gigoto, et qui ne peut servir que si l'on a sous la main un point de comparaison. La vallée se rétrécit de plus en plus, et les voitures s'arrêtent au centre d'un groupe de collines vertes à la porte d'un bois sacré. L'endroit est des plus pittoresques et avait été choisi par Yoritomo à cause de sa beauté. À droite et à gauche de la porte sont d'énormes statues rouges dans des niches. Personnages grimaçants, mouvementés, aux vêtements flottants, ils sont destinés à veiller à la garde du lieu saint. Nous ne tardons pas à voir au-dessus des arbres, semblable à une colline de bronze noir, au milieu des montagnes vertes, la tête immense du Dai Butsu, statue gigantesque, non pas du Bouddha Sakyamuni, comme on le dit toujours, mais du Butsu Roshana, forme de Dai Niti Nyōrai. Puis, en avançant, nous arrivons en face du colosse, qui nous apparaît dans son calme effrayant et sa majesté divine et puissante. Le Bouddha est représenté accroupi, les jambes croisées, dans l'attitude de la méditation, les 2 mains renversées, la paume en l'air, de manière à faire toucher l'extrémité des pouces, le bout des doigts repliés et joints par les ongles. C'est le cas d'interroger l'interprète, mais selon l'usage, il me répond « Je ne sais pas ». Il y a là un bonze que je fais consulter. Il ne sait pas. J'aurais dû m'y attendre. Devant le dieu sont des vases garnis de lotus de bronze, des lanternes, des chandeliers. Tous ces objets paraissent assez petits, mais quand on s'approche, on est surpris de voir qu'ils ont 2 fois la hauteur d'un homme. Le Dai Butsu a près de 20 mètres de haut. Le jeune bonze gardien du sanctuaire, a un air assez éveillé. Sa figure ascétique est volontiers narquoise. De son dieu, il ne sait rien, ou du moins paraît ne rien savoir. Mais il vend de la bière et du champagne et semble plus préoccupé de faire son commerce que de donner des explications religieuses. Du reste, son champagne m'inspire autant de méfiance que les révélations qu'il pourrait faire, car l'étiquette française est posée sans dessus-dessous sur les bouteilles, ce qui semblerait indiquer que ce n'est pas une main européenne qui a présidé au collage de la marque. Pendant que nous admirons le colosse, nos dessinateurs, Wirkman et Régamet, prennent des croquis de la statue. Mais voilà que je m'aperçois qu'ils ont trouvé un concurrent sérieux. C'est mon gracieux Jinriki. Avec la pointe d'un bâton, il s'est mis à copier le Daibut sur le sable du jardin. Nos artistes s'arrêtent dans leur travail pour se donner le plaisir d'admirer l'œuvre de leur émule dont le talent est vraiment surprenant. Et ce fait n'est pas un accident. Tous les Japonais ont le sentiment de l'art et tous apprennent, dans leurs écoles, à manier le pinceau qui écrit et dessine. Chapitre 22. Ce qu'un dieu a dans le ventre. Il y a une porte au socle du colosse et l'on peut pénétrer dans l'intérieur de la statue. On y a établi un sanctuaire assez compliqué. Les dieux du bouddhisme sont représentés nombreux et placés dans tous les coins, à toutes les hauteurs. Le Daibutsu a un Olympe dans le corps. Les figures de bois doré, patinées par le temps et luisantes, sont serrées les unes contre les autres comme les tuyaux d'un orgue divin et forment les intestins de ce géant de bronze. Il a des chapelles dans les reins, il en a dans les coudes. Comme épine dorsale, il a un escalier sacré, échelle dangereuse et vermoulue, qui conduit à de petits sanctuaires placés dans les épaules. Un dieu veille dans sa tête et le creux formé par son nez est une niche de saint. On peut faire l'autopsie de ses viscères symboliques et l'on trouve que les organes de ce Bouddha sont précisément les organes du bouddhisme. Les êtres plus ou moins surnaturels qui président aux destinées du monde sont représentés là, particulièrement le dieu Kuanon et ses transformations. On assure qu'il prit 33 formes différentes. Il s'est même transformé en femme, et c'est sans doute ce qui l'a fait appeler par tous les voyageurs la déesse Kuanon. On le voit là, tantôt avec ses 1000 bras, ce qui indique sa puissance, tantôt les deux mains jointes et les doigts allongés, ce qui veut dire qu'il est maître du monde entier, tantôt les doigts étendus et joints, excepté les deux index recourbés sous les pouces, ce qui indique qu'il sait enchaîner les démons. Lorsque sa main droite est ouverte et abaissée vers la terre en pliant le pouce sur la paume, cela signifie qu'il domine les éléments. Lorsqu'il tient la main horizontale et renversée, la paume en l'air en réunissant le pouce et le médium, il proclame qu'il vaut une boule de pierre précieuse. Et lorsqu'il lève la main vers le ciel, en réunissant le pouce et l'index, il donne l'esprit de charité à tous les êtres. On voit en somme que ces nombreuses idoles sont les personnifications des qualités particulières d'un même dieu, émanant lui-même d'un être unique. On voit que ce sont des litanies figurées, toutes les forces d'un dieu symbolisées. Comme à l'acropole d'Athènes, comme dans les sanctuaires égyptiens, comme sur les pylônes indiens, la multiplicité des figures indique non pas la multiplicité des idoles, mais les nombreux attributs, les qualités variées, les pouvoirs infinis d'un personnage divin et symbolique lui-même. Ces religions d'Orient qui s'épuisent à créer des Olympes pour faire comprendre la grandeur, la puissance, la bonté de Dieu partent exactement du même principe que les religions monothéistes des Védiques, des Hébreux et des Musulmans, qui repoussent toute image afin de mieux rendre l'idée divine. Les procédés sont différents, voilà tout. Et les résultats encore plus différents que les procédés. C'est ainsi que je trouve dans un coin la représentation de Fudusama, conducteur des âmes, comme Kuanon, et de plus leur gardien et leur justicier. Mais ce dieu n'est pas un antagoniste du dieu unique, comme dans le mazdéisme persan et dans les religions qui ont des diables. C'est une émanation directe de l'être suprême, Dainiti Nyorai. Un autre jeune bonze, à tête rasée, est venu nous rejoindre dans le colosse. Il s'offre gracieusement à me donner des explications par l'intermédiaire de l'interprète, et j'apprends que Fudusama est un prince qui marche par l'ordre du roi. J'apprends aussi que la déesse Aizen Myoho, dont le nom veut dire « hymne de vérité », est surtout invoquée par les femmes. Or, Aizen Myoho est un Bouddha de la série de Ho-Bu, trésor. Il mène à la vérité en accordant le bien-être, la fortune et l'amour. Je comprends que ce dieu soit choyé par les femmes, et je comprends que son système de conversion lui fasse de nombreux prosélytes. Mais je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est une déesse et que son nom signifie « hymne de vérité » puisque Aizen Myoho veut dire « roi brillant de la teinture d'amour ». Cette dernière dénomination est bien japonaise. La statue, qui est placée dans la tête du Daibutsu, a appartenu à Horitomo. C'est d'après le bonze un Monyōlai. Il est heureusement facile de comprendre qu'il s'agit de Sakyamuni Nyōrai, le Bouddha par excellence, l'homme devenu Dieu par la perfection de son âme. On dit que l'immense statue que nous visitons a été érigée par les ordres d'Horitomo et que c'est le premier shogun qui, ravi par les charmes du paysage, avait voulu qu'on y établît une colossale figure du Bouddha Dainichi. C'est possible. Mais les archéologues font observer que l'espèce de bronze employée à la construction du colosse n'était pas connue du temps d'Horitomo et que l'alliage utilisé et le système des soudures sont d'inventions plus modernes. C'est donc une question à étudier. Primitivement, la statue était dans un temple en bois. On voit encore sur le sol les larges bases de granit qui supportaient les piliers de l'édifice. Les fenêtres qui éclairent l'intérieur sont placées dans le dos et les volets ouverts ressemblent, vus du dehors, à deux paires de petites ailes. Après avoir bu la bière sacerdotale que nous offrent les bonzes et que nous payons grassement, nous reprenons notre course du côté de Katase où nous devons souper et coucher. Fin de la section 8.